océan de vie perdu entre d'innombrables galaxies inhabitées. Et pourtant nous restons sourds et aveugles, dans notre tour, enfermés dans une vaste prison de haine, soucieux de piétiner les traces à construire. D'or et d'argent profite à quelques présidents et puis entre les océans. Partout du vent, partout on se vend, partout le commerce n'a pas d'âme. Elles se sont toutes dévorées. D'or et d'argent. Profite à quelques présidents et pue entre les océans. Partout du vent, partout on se vend. Partout le commerce n'a pas d'âme. Elles se sont toutes dévorées. Reste des petites mains affairées à attiser les mauvaises flammes. La marée humaine entre deux grandes espaces étouffe la terre pleine entre ses pas de lait, entre deux bras de haine. Elle saigne toutes ses veines pour boucler ses nazes. Sur les plages avides, les mains se tendent. Pour échanger, prendre, perdre la main, là où se pend, de mauvaises pas, voler et vendre. Dans la balle se déchire, les portées de main se griffent, serrer les unes après les autres pour presser les dernières gouttes. Partout les mêmes joues. Du jeu, pour crever un concurrent, pour pisser sur un continent. Entre deux coups de feu, la nappe glisse l'océan et brûle dans les petits yeux, injectés de carburant. La marionnette entre deux. Partout, tout se fend. Les parts de marché s'en piquent. L'oseille se fait le beurre du saint patron au sourire. La sale graisse fige ton cœur. Voleur, à coup de mode et promo, grand solde des cerveaux, de babioles déstockées, par pérole communiquée. La marée humaine entre deux mauvais espaces, la terre des laines, entre ses pas de laine. La marée humaine entre deux mauvais espaces. L'objet couronné, l'intelligence détrôné, le business fait son show. Et le froid roi se fait la peau pour emballer sa crotte immonde. Partout la ruine du monde, embaumée d'or et d'argent, profite à quelques présidents et pue entre les océans. Partout du vent, partout on se vend, partout le commerce n'a pas d'âme. Elles se sont toutes dévorées. Reste des petites mains affairées à attiser les mauvaises flammes. Yeah. Pour rien. Je navigue à vue dans un monde statique, dérivé et aveugle. Il tâtonne dans le noir, réchapper à la mort au bout du couloir. Un monde qui noie et cerveau éthylique. Personne n'est à l'abri de rien. Ou des bestioles minuscules foutues pour rien. Un monde débordant de fou, tout le monde ment sur tout. Par intérêt ou pour fixer quelques souffrances, où les vrais camisoles sont invisibles et où les délires se tapent sur ordonnance. Où les délires se tapent sur ordonnance. Ordonnance. Oh. Et puis, non, ce triste univers, c'est que tout le monde me regarde. Comme si j'étais folle, comme si j'étais folle. Je vis dans un monde de plus en plus étrange, dont la violente folie m'échappe. Et ceci me demande pas à moi qui me m'échappe. Des chars assassins de bois, tu toujours des bois dans les prés. Des humains affamés meurent de solitude dans des villes surpeuplées. Des jeunes attardés se battent pour des billets ou de l'avancement. Des ronces et les frênes coupées repoussent chaque année obstinément. Et chacun râle abondamment sur les choses qui font de mal leur vie, sans rien faire d'autre qu'alimenter le sein empoisonné qui les nourrit. Je navigue à vue dans un monde statique, déréglé et aveugle. Il tâtonne dans le noir pour échapper à la mort au bout du couloir. Un monde qui noie les cerveaux éthyliques. Personne n'est à l'abri de rien ou des bestioles minuscules. Vous tuez pour rien. Un monde débordant de fou, où tout le monde ment sur tout, par intérêt ou pour fixer quelques souffrances, où les vrais camisoles sont invisibles et où les délits se tapent sur ordonnance, sur ordonnance. Oh, oh, oh. Et le pire dans ce triste univers, que tout le monde me regarde de travers, l'air surpris et inquiet, comme si j'étais folle, folle, folle, folle, folle. Dans un monde de plus en plus étrange, dont la violente folie m'échappe, et les soucis lentement me mangent, à moins qu'ils ne m'échappent. Je navigue à vue dans un monde statique, déréglé aveugle, qui tâtonne dans le noir, pour échapper à la mort au bout du couloir. Un monde qui noie les cerveaux éthyliques, personne n'est à l'abri de rien. Où les bestioles minuscules vous tuent pour rien. Des bestioles minuscules vous tuent pour rien. Je vis dans un monde de plus en plus étrange dont la violente folie m'échappe et les soucis lentement me mangent à moins qu'ils ne m'échappent. Un monde débordant de fous où tout le monde ment surtout par intérêt pour fixer quelques souffrances. Où les vraies camisoles sont invisibles et où les délires se tapent sur ordonnance, sur ordonnance. Je navigue à vue dans un monde statique, déréglé, aveugle, tâtonne dans le noir pour échapper à la mort au bout du couloir. Un monde qui noie les cerveaux idylliques où personne n'est à l'abri de rien. Et où les bestioles minuscules vous tuent pour rien. Et je vis dans un monde de plus en plus étrange dont la violente folie m'échappe et les soucis lentement me mangent à moins qu'ils ne m'échappent. Thank you.